J'ai longtemps cherché la couleur dans ma vie. Sans toi, mes mots deviennent monochrome. Tu es la lumière, la chaleur de mes nuits. Sans toi, j'ai froid. Sans toi, je n'aime plus la vie. Bébé, je suis là. J'ai beau chercher la faille de ton amour, même tes défauts rajoutent à ton charme. Tu brilleras dans le ciel de mon cœur, même quand il ne restera que de la poussière. Oui, je sais, j'en fais toujours trop, toujours trop.